ça c'est le point. C'est pas ça. Ouais, merci, c'était sympa. Allez, une dernière. Je l'avais déjà faite. Vas-y Théo, balance le synthé. C'est bon ça, petit synthétiseur là. Oh merde Mike. Alors Mike, on n'a pas pu t'entendre. Allez, on va partir sur Théo. Peut-être tu pourrais monter un peu ton synthé. We'll be right back.

Atomic. Qui c'est qu'on n'entend pas? Phil? Qu'est-ce qui se passe? Yeah.